regarde la pluie tomber, ça fait longtemps déjà que la poisse me trucide. Vu que je rappe avec le cœur, on en revient toujours au truc triste. Mec, je tourne en rond, même si Marie m'écarrait, tant pis. L'argent tombe pas du ciel, j'ai vu des potes s'égarer dans le shit. Ce soir, le tonnerre gronde, une sévère boue. Le rap se dévergonde, une instru vénère sourde. C'est très clair, je tombe dans un monde pépère, je m'en les tours des terres, je fonce. Quand les fers tombent, c'est là que j'éclaire le son. À stage, la génère con, j'ai mes raisons. Ce monde m'avait l'air bon. On touche le fond, je vois l'avenir se noyer dans la scène, ma gueule. Les temps sont durs, ça demande des conseils à des ex-braqueurs. Ça rappe les poches vides, pas pour avoir les poches pleines. Les petits sortent en équipe l'hiver, mais pas pour faire du bobsleigh. J'ai jamais calculé ma plume, elle m'a guidé, ne m'a jamais quitté. J'ai lâché quelques phases, mais réellement n'avait jamais quitté. Le début d'une longue aventure, mais ça personne n'avait tilté. J'avais qu'il fallait s'adapter, putain, ça j'ai jamais kiffé. Ça serait de mentir si je me disais que je m'en bats les coups de l'avenir. Faut croire qu'apparemment je suis toujours la plus belle plume de la file. Rien à négocier, le même décor, longtemps que je casse des prods, c'est juste un cas d'école. Balance le code avant que les gosses t'égorgent. J'ai maté par la fenêtre, le ciel est gris. Ce soir je devais écrire. Putain de merde. La prod devait décrire l'atmosphère peu joyeuse. Dire qu'à l'époque la haine faisait les tirs. Écoute, t'es pas Tony, me parlait d'estime. Rien que ça fumait des sbires. On a pleura qui conne fort. Dealer SB, on laisse des traces, on nique les traces. Mais ma banquière m'a dit laisse le café de la trappe. Personne nous calcule, dans le rap j'ai quelques gars sûr. Oui j'abuse, on s'accrochera aux branches jusqu'à la cassure. On aurait peut-être dû s'adapter. Tout ça pourquoi là l'époque est passée. Wesh les frères, je repaye les pots cassés. Si l'erreur est humaine, y'a pas à chier. Tout ça c'est audacieux. S'il faut tourner la poche, je vais la cramer. La poisse est au taquet. On craint pas la chute, je veux plus jamais voir la juge. Mon blase, quand il sort de ta bouche, ce n'est pas un lapsus. Plus aucune censure, on passe nos vies dans les studs. C'était pas les thunes d'un tube qu'on a juste investi dans les studs. J'ai pas lâché, à l'arracher, j'étais déter, je voulais me débarrasser. Tous mes vieux démons m'ont enfermé, ils m'ont embarrassé. J'suis plutôt nostalgique, mais rien à foutre, ce soir je vais me charasser. Vision bien nocturne, je pars en avance, mais peut-être c'est pas assez. Je kiffe pas trop le grabuge, un social sous la capuche, plongé dans la brume, je regrette de pas avoir un bac plus. Toujours le fond, la forme, c'était pas l'album de gras, dur et crapule. L'album de gras te fera l'effet du crack. Si j'ai pris le taureau par les cornes, c'est car certains de mes potes perdaient la tête. Tu peux viser dans le mille, tu pourras perdre, ça même hyper détecte. La vie va